Salut mes amis, c'est Justin. Je veux vous annoncer d'abord en ligne que oui, je me présente à la chefferie du Parti libéral du Canada. Présent cette semaine dans les médias que Pauline Marois, les femmes l'éliraient en un clin d'œil comme le plus beau premier ministre du Québec. Voici votre animateur, Jean-Philippe Gaultier. Merci Fred. Mm-hmm. Bonsoir tout le monde. Ben, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de retourner se chercher du bon popcorn pour écouter la commission Charbonneau. Ah, oui. Hey, c'est-tu bon ça? Et que c'est bon. C'est bien meilleur qu'Omerta. Ah ouais, mais c'est parce qu'ils ont une direction d'acteur, eux autres. Ah, puis en même temps, ils n'ont pas Stéphane Rousseau, ça aide non. aussi. Hein. Ouais. L'avez-vous écouté, vous, Fred? Bon, en fait, j'ai écouté la version express, là, en fin de soirée, et j'aimerais dire que j'ai la conscience tranquille, quand même. Ah, votre nom a été mentionné pendant la commission? Non, mais je prends pas de chance, hein. Ils nomment tellement de monde que ça va pas finir. Non, puis regarde, c'est une tactique qui fonctionne super bien. Regarde Gérald Tremblay, hein. Oui. Full crédibilité encore. Il y en a plein. Monsieur le maire, qu'on l'appelle. Comme tout en miettes à terre. Oui, c'est ça, faux. Hello, mais là, parlant de viande froide, grosse semaine pour les amateurs de steak haché au Canada. Boy, Oh boy! Hey, c'est l'enfer dans le monde de la boulette, hein? Caline, bien, on pourra en parler longtemps. Ouais, ouais. Ben moi, j'en ai mangé hier, fait que ma contribution est faite, là. Vous arrêtez donc? Oui. Comment ça va? Pas trop mal, c'est de la viande congelée depuis juin. Ah, ben là, ça, c'est bien avant que le fédéral coupe dans le nombre de fonctionnaires à l'Agence d'inspection des aliments, là. Ouais. Hey, c'est la main invisible du marché qui gère ça à cette heure, hein? Ouais, mais visiblement, elle n'a pas mis de gants, hein? Ouais, c'est ça. Ça, je me disais. Puis écoute, tant qu'à couper dans les fonctionnaires, ils pourraient aussi couper dans les bactéries. À ouais, mon avis, mais pour les conservateurs, c'est un peu la même gang, ça. Ah les... oui? Ah, bon. Mais parlant de viande, qui goûte drôle, on a vu une recrudescence de crimes haineux cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui. Dans la presse, ben, elle nous apprenait que du bacon avait été déposé devant une mosquée. Pas de blague. C'est pas un crime haineux, ça. C'est un crime graisseux. Hey, parlant de crimes, là, les mauvais jeux de mots, ça... Ah ouais? Guy Mongrain est en prison? Non, mais il est recherché, par exemple. Il est recherché activement. Ouais. Non, non. Mais... Avouez qu'ils vont faire avec le titre quand même crime haineux. Ils ont quand même pas obligé les musulmans à manger du bacon cru. Hey, ça aurait pu être bien pire, hein? Ils auraient pu les forcer à manger du steak haché. C'est vrai. Puis ça, ben ça, c'est rendu dans la Convention de Genève. Hein? Hey, steak haché canadien, là, ça passe plus nulle part. Écoute. Ah, c'est comme les mines antipersonnelles. Oui. Alors, autre nouvelle d'intérêt public, je sais pas si vous avez vu, le gouvernement conservateur veut suggérer un certain Richard Wagner à la Cour suprême. Hey, il va falloir qu'Harper se dessine, hein? Pro ou anti-Israël? Tu sais, un moment donné. Non. Hey, ouais, Wagner, ça fait-tu encore de la musique, ça? Oui, ben oui, j'allais voir un de ses shows récemment. C'est long, mais ça donne envie de marcher sa Pologne. Ah ouais, vous savez quoi, il y a quelque chose? C'est comme Ça donne envie de marcher, là, en saluant le monde, hein? Hey, everybody! Ouais, il parle anglais, là-bas, hein? Je pense que oui. Bon, c'est comme. Parlant de malaise, Fred. Ouais, il y a la. Merci encore. Il y a la course à la chefferie au PLQ. Hey, ça va être quelque chose, ça. Hey, non, mais ça va s'étirer jusqu'au mois d'avril. Oh boy. Non, pour moi, ça fait trop longtemps qu'ils n'en ont pas fait. Hein. Ils ne savent plus comment faire une course à chefferie. Ouais, en même temps, c'est pour la forme, voyons donc. On sait bien que c'est Couillard qui va rentrer. Genre, Lapierre l'aime bien trop. Ben oui, non, mais c'est vrai. Regardez, Couillard, là, il y a toute une équipe. Hein. Saviez-vous, puis c'est pas une blague, là, son conseiller, c'est Sam Hamad. Écoute, ah ouais? Ouais. Mon Dieu, il n'y a pas juste Bachand qui a le sens de l'humour. Non, quand même, regarde. Faut pimenter ça. Ils devraient s'inspirer du PQ aussi, à mon avis. Regarde, ils font des courses à la chefferie aux 3 mois. Puis il va falloir qu'ils en fassent une bientôt, là. Ben oui. Elle est où, Pauline? Ben oui, elle est où? Ben oui, mais je vais vous le dire, elle est où? Elle est en train de détruire l'économie, ah, Fred. Ah, voilà. Hey. Voilà. Mario Dumont l'a dit, hein. Il constate un exode des gens d'affaires du Québec. Puis ça, il paraît que c'est de pire en pire chaque jour, hein. Ah ouais? Ça, ouais, non, c'est l'enfer. Hey, il est-tu riche, lui, Mario Dumont? Pourquoi? Ben, je sais pas, moi, je serais prêt à partir un pote, là. Ah ouais? Mettrais un 10$, moi, pour partir ça, là. Ah, oubliez pas le 3% du maire Gérald Tremblay. Ah ouais? Bien important, ça. Hein? Es-tu riche, lui-ci, Tremblay? Je partirais un pote, moi aussi. Ouais, non, mais le pote, ça fait longtemps qu'il est là, Fred. Ah ouais? Bye-bye. Non, mais ça fait peur, l'exode. Regarde, même à la caisse de dépôt, là, je veux dire, la caisse de dépôt voudrait déménager, parce qu'au moins, il y a un geste, là. Ils viennent de se retirer de Québécois. Hey, tout un investissement. 1 % de rendement sur 12 ans. Okay, pas bien, ouais. Hein? Ah ouais, si, il aurait dû mettre ça à caisse pop, puis il y aurait eu 2,5. Je sais. Font plus que ma petite nièce avec son compte d'école d'épargne. Hein? Mais là, on va se calmer, là, parce que, regarde, si Justin Trudeau est élu, on l'a entendu tantôt, là, tous les riches vont venir. Ah, hey, ça va-tu nous faire un beau premier ministre? Ah. Écoute, le gars, il est fin, il est beau, il est bilingue, il est jeune, son père est intelligent. Ah, regarde! Ben... Il y a tout. Il y a tout. Tout pour lui. Hey, on a hâte. Bon, on n'a pas autant hâte que notre émission de ce soir parce qu'on a des invités extraordinaires. Wow. On a Dominique Champagne qui est avec nous. Ça, c'est ouais, c'est-tu le gars qui a fait la mise en scène du spectacle du Cirque du Soleil dans l'espace avec les filles tout nues, ça? Non, c'est le gars des gaz de schiste, me semble, Dominique Champagne. Pas André Boisclair, ça? Ah oui, on le reçoit aussi, André Boisclair. C'est donc bien compliqué, cette affaire-là. Ah ouais, on est comme tout fracturé. Ben oui, mais bon, hey, c'est pas grave. On va avoir le temps de démêler tout ça parce que la soirée est encore jeune. Merci d'être à l'écoute. Olivier Niquette, oui. Bonsoir. Les internets, c'est toujours en même adresse? Non, non, ça a changé cette semaine. Vous pouvez nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où vous pourrez trouver des bonnes blagues de Léo Bureau-Blouin à propos de Scott Gomez, un député humoriste, toi, Charles. Ah, oui, hein? C'est donc drôle. Ah non, mais merci, Olivier. grosse semaine d'actualité. Ah, oui. Grosse semaine d'actualité. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler de la disparition de l'émission des Kiwis et des hommes. Mais hein? Oui, mais ça me surprend pas en même temps. Il n'y avait ni un ni l'autre dans cette émission-là. Ben, franchement, il y a quand même une palourde royale. C'est vrai. Pas rien, ça parle là. Ben, on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, là, plusieurs paquets de bacon ont été découverts devant une mosquée de Colombie-Britannique. Un crime qualifié d'haineux par le journal La Presse. Ben, nous, on n'a pas trouvé ça si pire que ça. Hein? Alors, ça nous a inspiré notre palmarès de la semaine. Alors, voici donc 5 idées de crimes vraiment haineux. En cinquième position, allez porter le maire Tremblay à la mairie de Toronto. Ah. Ça, c'est chien pour les Torontois, ouais, ouais. Ça. Là, il paraît qu'il ne verra même pas la différence. Ah non? Ah non, c'est corrompu au bout. Ah bon, il va être comme d'un poisson. C'est en anglais, en plus. Ah, ça va ben, être gars, gars. En quatrième position, déposer une mosquée devant une usine de bacon. Hey! Du bacon à l'air, c'est pas fou, ça. Ça va être salé. OK. En troisième position, donner un bon concept de pub à Family Prix. Point neuf. Non, non, mais ils en ont besoin en temps, par exemple. Ben oui, hein? 2 semaines, brosso. En deuxième position, choisir Jean-François Lisée pour représenter le PQ chez les anglophones. C'est déjà ça, Fred. Ben justement. Ah ouais, OK. Et en première position, aller porter de la salade devant la porte du docteur Barrette, franchement. Vous dites rien, Fred? En tout cas. Quoi? Ça va en prendre en tas, la vinaigrette. OK. Notre premier invité, Fred. Auteur, dramaturge, metteur en scène, notre premier invité est un homme engagé autant pour l'éco sociale que par le Cirque du Soleil. Accueillons M. Dominique Champagne. Dominique Champagne, bonsoir. Salut. Je vois que vous avez une bouteille d'eau, mais j'ai de la bière. Merci. Ah non, ça... On a abusé un peu hier soir. Ah, c'est comme ça les artistes, hein? Mais c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, tu sais, ouais, de temps en temps. C'est ça qu'on se dit. Vous venez nous présenter, en fait, une toute nouvelle mise en scène, « Tout ça m'assassine » à la Place des Arts. C'est récent, ça, se lancer dans le monde du théâtre? Ben, écoute, c'est une nouvelle mise en scène qui date quand même d'il y a un an. C'est un show qu'on a créé jour pour jour il y a un an, aujourd'hui, ouais. Le 4 octobre. Et on avait vraiment peur à l'époque d'être has-been. Parce que c'est un show qui parle de fiscalité, d'économie, d'indépendance du Québec. On dit qu'il n'y a personne qui va venir voir ça. C'est clair. Et au même moment, ben, il y a eu le Square Victoria se fait prendre par les indignés. Ouais. Et il y a toute la vague qu'on a connue depuis ce temps-là. Alors aujourd'hui, c'est assez... ironique de constater quand tu présentes un show qui s'appelle « Tout ça m'assassine » qui parle d'indépendance, qui se produit à deux coins de rue où après l'élection d'un gouvernement indépendantiste minoritaire, il y a une tentative d'assassinat sur la première femme premier ministre de notre histoire. On était là, on était là. Alors le show, il est comme... on a besoin, oui, de rincer ça, d'où le fait que je me suis couché à 4-5 heures du matin. Ah, c'était ça, hein? Cette nuit, oui, c'était, disons, c'est une grosse soirée, c'était bien excitant. C'était un party ou c'est de la réécriture? Non, on n'a pas changé une ligne, sinon qu'on dédiait le spectacle il y a un an à Mr. Harper et à Jean Charest, et là, on a décidé de le dédier... à Mr. Harper? Seulement. Bon, ben c'est le fun. Et pourquoi passer du militantisme au théâtre? C'est le fun d'aller pelleter des nuages de temps en temps ou avec nos taxes, juste le dire? Là. C'est-à-dire que des fois, tu te demandes, tu sais, que vaut une chanson? Que vaut une pièce de théâtre? Ben, ça dépend de qui, évidemment. C'est parce que dans mon théâtre, depuis tout le temps, depuis que j'ai fait un show sur le FLQ il y a 20 ans, j'ai fait Cabaret Nageoire, il y a toujours une charge politique dans un certain nombre de mes shows. Et j'étais en train d'écrire « Tout ça m'assassine » quand les gazières sont débarquées dans mon arrière-pays. Oui. Et le show parle de dépossession de notre territoire, de la grande quête de liberté de ceux qui... de nos ancêtres, les Gaulois, qui avaient quitté le vieux monde en espérant embrasser le nouveau pour trouver un pays de liberté où ils pourraient rebâtir le nouveau monde. Et ce pays-là, on constate qu'on le cherche toujours. Ben... Et le jour où les gazières sont débarquées dans l'arrière-pays, c'est comme si la réalité... rattrapait la fiction que je suis en train d'écrire. Alors, j'ai mis mes tout écritures... Tout est dans tout, hein? Tout est dans tout. C'était écœurant, pareil. Alors, j'ai mis mes écritures de côté pour... c'est comme si le citoyen en moi, qui était assis depuis longtemps, a essayé de se lever debout. Le citoyen s'est levé debout et il a attiré presque 300 000 participants à votre Jour de la Terre. Hein? Et là, ben, vous faites 400 personnes à la Place des Arts. C'est moins ça, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Non, mais je veux dire, je trouve ça le fun. Il y a eu des élections récemment. Vous avez branlé dans le manche un peu. Vous deviez vous présenter. Non, je ne devais pas me présenter. Ben, on en entendait j'ai parler. J'ai songé à me présenter. Ben, c'est quand même assez, ça. Oui. C'est quand même pas mal. C'est rendu loin, ça. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu dis, est-ce que j'ai le sens du devoir à ce point de me dire, je vais sacrifier 4-5 jours par semaine, ma vie à être un backbencher au nom d'un idéal, je ne suis pas rendu idéaliste ou j'ai pas le sens du devoir à ce point. OK, ben oui. Non, mais je veux dire, en même temps... Alors, j'ai décidé de ne pas me présenter, mais j'avais quand même le goût de taquiner le Bachand dans Outre-Monde. Oui. Alors, peut-être que ça va me reprendre parce qu'on ne sait pas s'il reprend, à quel point il va reprendre lui-même du poil d'abeille dans les prochains mois. Parce que là, justement, vous avez publié, en fait, ce qui est votre testament politique, quoi, quelque part. Hein. Vous avez, à la place de vous présenter, vous avez décidé d'écrire un livre que j'ai, voyons... Adoré. Ben non, il est là. Je l'utilise comme signet dans mon livre de J.K. Rowling. Non, mais il fonctionne super bien comme signet. Il est pas épais. Il est pas épais. Mais il est moins épais que son auteur. Ben oui. Oui, c'est vrai. Non, mais je l'ai lu et franchement, je trouve ça intéressant parce que vous parlez, vous parlez du gouvernement, un gouvernement en fait idéal, hein, que vous êtes en train de placer des pions dans des postes importants. J'ai une approche de metteur en scène. Ben ouais. Je me suis dit... Quand tu fais un show, tu montes Hamlet, tu dis qui va faire Hamlet, ben oui. Il faut que tu fasses le bon casting. Pas alors, je me dis, c'est quoi le casting de rêve? Ouais. Alors, j'ai fait un espèce de jeu où je me suis plu à essayer de voir c'est quoi le meilleur pour c'est quoi l'affiche. Vous n'êtes pas trompé tant que ça. Hein, Jean-François, hein? C'était avant les élections. Ouais. Donc, Jean-François Lisée aux relations internationales, ça, oui. C'est drette dessus. Oui. Martine Ouellette aux ressources naturelles, oui, pile dessus. Oui. Ben, Daniel Breton à l'énergie, bon, on n'est pas loin quand même. Il y a d'autres noms qui ça n'a pas fonctionné. Là. Guy Carbonneau au sport en même temps, non. Fred Pellerin comme premier ministre. Ouais, ça a moins fonctionné non plus, trop. Pierre Curzi, il est politicien, lui, vraiment. Qui le voit encore, Pierre Curzi? Il est rendu où, Pierre Curzi? Je sais pas. Pierre, je pense que... J'espère, en tout cas, qu'il va faire un retour à la scène. Parce que on a perdu quand même dans le milieu théâtral ou dans le monde du cinéma un acteur important. Et est-ce qu'on a gagné un bon député? C'est une excellente question. Ben, c'est celle-là que je vous pose. Et c'est la question que j'attends. OK. Fait qu'on va passer à une prochaine question. Non, mais est-ce que c'est des exemples comme Pierre Curzi qui vous ont fait hésiter sur, justement, sur de vous présenter vous-même en politique? Mais c'est-à-dire que quand Pierre, que je connaissais depuis un certain temps, annonce qu'il va plonger dans la carrière politique, sincèrement, il a toute mon admiration. Je trouve qu'il est extrêmement brave, qu'il a effectivement le sens du devoir. Et lui, il a été longtemps président de l'Union des artistes, où il a fait une sacrée bonne job. Et à un moment donné, il se dit, bien, pour aller plus loin, à l'âge où je suis rendu, plutôt que d'interpréter d'autres rôles ou de continuer à l'Union, j'ai envie de faire le saut en politique. Alors, ça, j'ai trouvé que c'était un geste d'un grand courage. En même temps, est-ce que Pierre Curzi a été un fin stratège, un politicien? Je pense qu'il était intègre, il est allé au bout de ses convictions, qu'il l'a mené jusqu'à une démission ou une défection face au leadership de Marois et au Parti québécois. Maintenant, c'est sûr que quand moi, je me posais la même question que Pierre Curzi s'est posée à un moment donné, je me dis, j'ai malheureusement pas le sens du devoir. Et je viens de lire la lettre à un jeune politicien de Lucien Bouchard, où il fait une espèce d'appel à ce que les gens se commettent un peu plus. Et c'est sûr que, honnêtement, moi, ça me tiraille parce que je me dis, effectivement, si on veut faire bouger les choses, bien, il faut se commettre, s'y mettre. En même temps, je pense que, puis c'est ce dont je traite dans le gouvernement invisible, c'est qu'il y a aussi du monde qui s'implique autrement que dans les partis politiques, qui contribue à la vie politique. Justement, on en a entendu, ça a été un sujet de discussion absolument important pendant le printemps érable. On a entendu des jeunes se soulever, et c'était contre le gouvernement Charest beaucoup à l'époque. Maintenant, c'est le gouvernement Marois qui est là, qui met un holà sur Gentil 2, sur les gaz de schiste. Oui. Fait que là, dans le fond, c'est quoi qui va se passer avec vous? C'est tout réglé maintenant? C'est sûr que c'est le fun en maudit de constater que tout à coup, il y a des gens qui ont pris le pouvoir et qui nous donnent l'impression forte que l'intérêt public va être mieux défendu qu'elle ne l'était. En même temps, je pense que moi, comme tous les Québécois, j'ai une tendance à faire confiance à l'État, parce que je pense que l'État nous a donné énormément depuis 50 ans, mais en même temps, à nourrir une méfiance à l'égard de l'État. Alors, J'espère que les Daniel Breton, les Martine Ouellette, effectivement, vont être à la hauteur des idéaux qui sont en train de poser parce qu'il était temps que le Québec sorte du nucléaire. C'était le temps. Le gaz de schiste, on connaît l'importance du débat, du dossier, la transformation importante que ça peut opérer dans la vallée du Saint-Laurent. Là, que la ministre des Ressources naturelles nous parle en disant « je vais prioriser la défense de l'intérêt public au détriment peut-être du pouvoir que ce gouvernement invisible, animé par les pétrolières et les gazières, est très puissant. » C'est difficile de te retrouver comme citoyen en disant que tout à coup, tu fais la job que le gouvernement devrait faire à ta place. Mais là, justement, le gouvernement Marois est en train d'accomplir ce que vous vouliez qui se passe, en fait. Et là, c'est à se demander, justement. Là, on va avoir André Boisclair qui va s'asseoir avec nous tout à l'heure et on va parler de gaz de schiste, j'imagine. Est-ce que vous pensez que le gouvernement du Québec, avec le Parti québécois, c'est tout est beau, on peut aller se rasseoir? Je pense qu'il y a il y a un changement énorme. Je comprends, nous taxe plus. En tout cas, nous, les riches, là, je parle de vous, évidemment, on fait de l'argent terrible. Moi, je trouve qu'on devrait, dans ce fameux débat sur le... C'est dommage parce que la façon de le mettre en marché, je pense, de véhiculer le message, les décisions qui ont été prises, qui ont été annoncées par rapport à la fiscalité, ce que je suis heureux d'une part, c'est que ça va susciter un débat. Mais je pense que la manière de l'annoncer, et peut-être que l'histoire de la rétroactivité a choqué tout le monde, puis je suis assez d'accord avec ça, mais je pense quand même que ça fait une génération qu'on se fait dire on paye trop de taxes, le moins d'État possible, ça va être le mieux possible. Alors que l'État québécois, depuis 1960, nous a tellement donné. Il suffit de voyager un peu. On est dans une société extrêmement privilégiée et on doit beaucoup ça à notre sens de la solidarité, à la confiance qu'on a mis dans l'État. Et le plus grand geste de confiance qu'on peut faire à l'État, c'est d'y confier une partie de nos impôts. Parfait. C'est sûr que ça nous écœure quand on sait que ça s'en va dans les poches des mafieux. Il va falloir que vous... Oui, c'est un peu tannant, mais il va falloir que vous me fassiez confiance parce que vous êtes obligé de me donner votre temps parce que là, c'est fini. Là. Mais pour vrai. Bon, on va reparler un petit peu plus tard avec M. Boisclair. Vous restez avec nous, j'espère. Vous savez, les esprits sont un peu calmés au Moyen-Orient depuis quelques semaines là, après la diffusion de la vidéo L'innocence des musulmans. On a donc essayé, à la soirée est encore jeune, d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être le prochain film qui va mettre le feu aux poudres. On écoute. Après L'innocence des musulmans, voici un autre navet qui pourrait soulever les masses. Je ne sais pas. C'est une excellente question. Vous-même, vous ne le savez pas. Je n'étais pas au courant de l'étude de 2008. L'innocence de Gérald. Un film en temps réel où le navet n'est pas le film, mais le gars qui joue dedans. Je ne savais pas, par exemple, que mon président du comité exécutif était un ami de Tony Accursto. L'innocence de Gérald. Un film qui ne soulèvera pas les masses, les masses étant occupées à regarder Occupation double. J'ai ma conscience en paix. L'innocence de Gérald. Dans un écran de fumée, près de chez vous. Stéphane Rousseau, es-tu dedans? Je ne sais pas. Ah, c'est pas grave. Checker Bédène. C'est le moment d'aller retrouver notre grand RTT, reporter tout-terrain, Jean-Sébastien Girard, qui, on doit l'avouer, nous a inquiété un peu cette semaine. Hein. Pour la première fois, on a vu l'homme derrière le grand journaliste. Ça, c'est évidemment derrière nos bureaux. Là, on a vraiment été traumatisés. Il a pas filé un bon coton cette semaine. Est-ce que vous allez mieux, Jean-Sébastien? Pas tellement. Je suis bien déprimé. Hein? Ah oui? Il n'a pas fait beau cette semaine, il fait noir de bonheur. Je pense que je suis en pleine dépression saisonnière, mon bon JPW. Oui. Fait que je me suis dit, la meilleure façon de m'en sortir, c'est probablement de me trouver un bon psychiatre. Et spontanément, j'ai pensé au Dr Mayou. Alors, je l'ai contacté au téléphone. Oui. Il a accepté de me rencontrer, imaginez-vous donc. Et il m'a donné rendez-vous dans un Boston Pizza à Québec. Alors, on est là présentement tous les deux devant une pizza hawaïenne bien fraîche. Dr Mayou, bonjour. Oui, bonjour Jean-Sébastien et JPW. Hey, bonjour. Bonjour, il fait dire. Alors, Dr Mayou, on va procéder à mon évaluation psychiatrique dans quelques minutes, si vous le voulez bien. Je vais vous demander de me prescrire des antidépresseurs en quantité de mongole. Mais avant, je veux vous dire que je suis bien étonné parce que, en vous attendant, j'ai lu le journal et j'ai appris que vous avez été ratié il y a quelques jours. J'étais bien étonné de ça parce que, entre vous et moi, je pensais que vous aviez même plus le droit de pratiquer. Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, je pense qu'entre déprimés, on va se comprendre. C'est une période extrêmement noire pour moi aussi. Alors, lequel va remonter l'autre, ça demeure à voir. Effectivement, j'ai perdu mon droit de pratique, j'ai plus le droit de donner des pilules. C'est l'enfer et c'est pour ça que je viens te rencontrer au Boston Pizza à Québec. Je suis quasi dehors de mon cabinet privé, je suis dehors de mon cabinet public à Louisville. Mais là, je suis presque expulsé de mon cabinet privé. Ça va mal, Jean-Sébastien. Alors vous-même, vous pouvez pas vous prescrire des doses de cheval de médicaments pour aller mieux, donc. Ben là, écoute, des doses de cheval, j'aime autant flatter les chevaux que de prendre leurs doses. C'est pour ça que c'est bien dit. Vous êtes plein d'humour en plus. Pour votre défense, vous dites que vous seriez prêt aussi à vous soumettre à un examen psychiatrique pour prouver que vous êtes pas fou. Ma question, est-ce que vous y aviez bien pensé? Écoute, si je l'ai dit, je dois y avoir pensé. Maintenant, écoute, tout à coup que le diagnostic tombe et je suis affligé d'un trouble mental, que vous feriez avec ça? D'un trouble de jugement. Et à 63 ans, tu trouves pas qu'il est trop tard? C'est un peu ça la question, Dr. Mayo, parce que dans l'article, vous dites que vous réfutez systématiquement tous les reproches qui vous sont adressés par votre ordre professionnel. On dit aussi que parfois, vous parlez de vous à la troisième personne. Ma question, Dr. Mayo, est-ce que vous pouvez me parler du trouble de la personnalité narcissique et du trouble de l'identité? Ouh, que de choses, que d'affirmations en si peu de temps. Écoute, effectivement, Jean-Sébastien, je crois que je suis seul dans le champ à avoir le pas. Ah ben oui. Ça se peut, ça? Ben, écoute, Copernic, le premier qui a affirmé que la Terre était ronde, c'est nous. Aller jusqu'à Copernic, tout le monde croyait que la Terre était plate, on se rendait au bout et on tombait dans le vide. V'là-tu pas qu'un illuminé s'en va prétendre en 1300, 1400? Ouais, ben, au 13e ou 14e siècle, que la Terre est ronde, que si on part d'un point... Voyons, c'est tout le temps qu'on a. C'est super intéressant. Alors écoutez, oui. Là, vous portez votre cause en appel, évidemment. Peut-être que vous allez perdre, que vous allez vous retrouver sans emploi. Alors j'ai une proposition pour vous. Je vous en fais part dans quelques minutes. OK, excellent. Merci. Bye-bye, Jean-Sébastien. Bye-bye, M. Copernic. Bye-bye. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Baudier, une émission qui n'est pas un coup monté de l'ADQ. Fred, notre deuxième invité. Non, je pense que c'est le temps de ma chronique, mon Philippe. Pas déjà. J'espère, à moins que... Oh non. Déjà? Ouais, je suis désolé. Je pensais qu'on vous avait coupé cette semaine. C'est une directive, la direction, non? Ah oui. Bon, ben ouais, ben on a une autre semaine de fou, ça tombe bien, hein, dans le merveilleux monde de l'actualité, où la commission Charbonneau a presque sombré dans l'anonymat grâce à Richard Martineau, qui a encore une fois presque réussi à prendre toute la place médiatique. Oui. Je vous entends déjà me dire que je nourris moi-même la bête, puisque j'en parle encore cette semaine, mais j'ai pratiquement pas le choix, puisque vous-même, Jean-Philippe Baudier, si c'est votre vrai nom, avez participé à cette polémique. On parle bien sûr du franc-tireur Gate, hein, dans l'édition du 26 septembre. Vous étiez invité avec Kim Lizotte et Marc Cassivi à commenter la venue de Radio X Montréal, mais surtout à réagir à quelques extraits de cette édifiante radio. Oui. Bon, comme d'habitude, les défenseurs de cette radio ont prétexté que les extraits choisis ne reflétaient pas le travail titanesque que ces gens abattent avec peu de moyens et que nous, méchantes cliques de la gauche caviar, démonisons sans savoir de quoi on parle. Je dois leur donner raison là-dessus. La radio poubelle ne débite pas que des insanités puisqu'ils diffusent aussi de la publicité. Seul moment où le niveau intellectuel de cette radio s'élève pendant au moins 30 secondes au-dessus du niveau cérébral du phytoplancton. Richard Martineau a donc critiqué les choix des panélistes sur les ondes même de Radio X où il tient les jeudis une de ses 400 chroniques hebdomadaires pour nous rappeler qu'on ne le laisse pas s'exprimer. L'équipe des Frontières n'a pas apprécié et son producteur lui en a glissé un mot. Richard, le pauvre tipit, s'est senti trahi, lui qui venait de vivre une semaine éprouvante, hein, selon ses dires. Bon, j'avoue que de vivre sous le même toit que Sophie Durocher doit effectivement rendre des semaines assez éprouvantes, merci. Il n'en fallait pas plus pour que Richard envoie à l'équipe un mémo pour essentiellement leur dire... J'ai créé ce show! Si vous y travaillez, c'est entre autres grâce à moi, avec beaucoup, beaucoup de lettres majuscules. Ce mémo a été remis à Stéphane Maillargeon du Devoir par une taupe de l'équipe et Martineau a cru bon prendre les devants sur son blog pour nous avertir qu'un papier allait être publié ce matin. Hey, c'est de la grosse nouvelle, hein? Oui, on s'entend, non. Là. Oui, oui, non. Alors, pour les plus vieux, ce mini-scandale n'est pas sans rappeler ce qui est arrivé à TQS, à l'émission Garden Party, où Michel Richard, autoproclamé reine de la station, avait très mal pris son éviction de l'émission. Là, je voudrais pas induire ici que Patrick Lagacé fait figure de Serge Laprade, hein? Ouais. À moi, bien sûr, qui ne souffre de psoriasis. Mais Richard Martineau, en Michel Richard, ça, je trouve ça fit. Alors, malheureusement, il n'est pas encore évincé de son émission. Jeannot Bergeron peut dormir tranquille. Je lisais cette semaine les textes de la presse sur l'industrie des gourous et les sectes qu'ils créent, et les parallèles avec Québécois nous sautent au visage. Bon, là, c'est gros ce que j'avance, mais n'ayez crainte, je peux maintenant dire n'importe quoi en toute impunité, simplement en utilisant les guillemets que j'ouvre à l'instant. Ouais, j'ai pris le truc de Martineau, lui qui, en début de semaine, réagissait encore à une réprimande du conseil de presse sur un texte qu'il avait publié pendant les manifestations étudiantes où il inventa de toutes pièces une citation de la classe en utilisant ces mêmes guillemets. Le CDP a tapé sur les doigts de Richard en lui reprochant une mauvaise utilisation des guillemets, il l'a apostrophé en fait, qui induisait les lecteurs en erreur. Richou a ridiculisé le CDP, même s'il devait, il devrait s'en sacrer puisque Québécois ne fait plus partie de ce conseil de presse, organisme, on le sait tous, infiltré par des agents de l'international communiste. Mais à la décharge de Richard et de Québécois, décharge Richard et Québécois, c'est comme un pléonasme, ouvrir et fermer les guillemets, ils ne sont pas les seuls à pratiquer l'ironie quand ça chauffe, puisque Lisiane Gagnon de la presse a elle aussi eu recours à cette excuse quand elle a reçu un container de plaintes pour son texte sur la fermeture de Gentilly. Évidemment, le torchon en question, ouvrir et fermer les guillemets, proposait aux travailleurs radioactifs de Gentilly 2 de faire comme les étudiants, c'est-à-dire de prendre la rue, casser des vitrines, manger des bébés et molester des personnes âgées à coups de Blanchon. Ouvrir et fermer les guillemets. Voilà où l'ironie les guillemets nous mène, à des dérives médiatiques. Stéphane Maillargeon pense plutôt que c'est le caractère incestueux des médias québécois qui pose problème. Oui, j'utilise les guillemets, mais je ne tomberai pas dans l'inceste dans notre propre émission. Et j'aimerais en profiter pour vous critiquer de façon brutale de ne même pas avoir fait la une du clin d'œil. Vous, monsieur Gauthier. Vous avez même pas fait la une du clin d'œil en tant qu'un des 10 plus beaux monsieur québécois. C'est pas pour me vanter, mais moi, j'ai déjà fait la une du cahier télé du devoir, fait que tu sais. Et j'aimerais spécifier que vous n'avez rien à dire là-dessus parce que j'ai créé ce show. Si vous y travaillez, c'est entre autres grâce à moi. Ouvrir et fermer les guillemets. On ne pourra pas nous accuser de s'incestuer nous-mêmes. Et si oui, on aura juste à dire que c'était de l'ironie. Ah! Ben, merci beaucoup pour ces guillemets. Franchement intéressant, Fred. Ben, ça valait la peine, finalement. Oui, hein? Votre chronique, ben, oui, c'était bien drôle. Est-ce que j'en reviens la semaine prochaine? Mais c'est vos propos, pas les miens. On va retourner discuter avec Jean-Sébastien. Jean-Sébastien? Ah. Oui, il y a une belle parenté entre Fred Savard et le Dr Mailloux, hein. C'est assez saisissant. Ah ouais? Oui. Bon, en fait, ça va très bien. Moi, je viens d'avoir une belle prescription du Dr Mailloux. 45 comprimés de Paxil tous les jours. Si je suis pas bien après ça, mais là, c'est pas tout, Dr Mailloux. Je suis un petit peu inquiet pour votre avenir. Si vous gagnez pas votre cause en appel, vous allez vous retrouver le cul sur la paille. Alors, j'ai pensé que vous pourriez peut-être faire comme tous les docteurs du Québec et devenir politicien vedette et peut-être même fonder votre propre parti. Alors, on va faire comme Dominique Champagne et se prêter au très pertinent jeu d'inventer un gouvernement. Alors, question numéro un, quel nom porterait le parti dirigé par Pierre Mailloux? La vérité. Ah, oh. C'est bon, ça? Oui, pourquoi? Parce que la vérité, elle est une et elle est intrinsèque. Question numéro deux, vous êtes docteur. Qu'est-ce qu'un docteur? Qu'est-ce qu'un gouvernement dirigé par Pierre Mailloux ferait du ministère de la Santé, à part évidemment stériliser les assistés sociaux et castrer les hommes n'ayant pas obtenu un secondaire 5? Qu'est-ce qu'il ferait, Mailloux? D'abord, il couperait le budget. Il amputerait le budget, comme on a amputé sa jambe dans un accident d'auto. Il amputerait le budget du tiers en partant. Et ce n'est qu'un départ. Et par la suite, je l'amputerais d'au moins 48%. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'un gouvernement dirigé par Pierre Mailloux ferait du ministère de la Condition féminine? Oh! Je la caresserais. Je caresserais ce ministère. Je le chérirais. On dirait du Olivier Liquette. Question numéro 4. Que feriez-vous du ministère de l'Immigration contre un vers un? Et on fait signe qu'il nous manque de temps, malheureusement, pour ne pas répondre à cette question-là. Ah, merci quand même. Merci infiniment. Au revoir. Ancien chef du Parti québécois et chef de l'opposition officielle, il n'est heureusement pas devenu une belle-mère du parti déjà bien garni avec les Landry, Bouchard et Parizeau. Accueillons M. André Boisclair. Monsieur Boisclair, Monsieur Champagne avait pas envie de prendre un verre de bière, vous? Non, ça va être sûr. Ah, voyons donc. J'ai pas fini ma journée, moi. Ben non, mais je sais, ben nous non plus, mais c'est pas grave, la fin de la journée est bien plus fun de même. Mais André Boisclair, vous êtes donc ancien chef du Parti québécois, ouais. Ancien député qui a tenu longtemps le record du plus jeune député élu au Québec. Battu à deux reprises depuis. Ben oui, je sais, puis surtout par le petit Léo, là. Oui. On en reparlera tantôt, ce petit-là. Il me vole la vedette sur le clin d'œil. Et là, aujourd'hui, vous êtes... Voyons. Je te regarde, mais j'aurais peut-être voté pour toi. Ouais. Ah! Yes! Je vais dire à Léo qui vous appelle. OK, c'est ça. Léo, depuis rendu Léo. Il va m'appeler, il va être jaloux. Ben, hey, un peu, là. Non, mais vous faites quoi exactement dans la vie maintenant, M. Boisclair? Moi, je fais de la consultation en développement stratégique et en affaires publiques. C'est ça. Mais donc, c'est bien large. Hein? Oui, mais essentiellement, j'offre des conseils à des gens qui veulent en particulier faire des affaires au Québec, qui ne comprennent pas vraiment nécessairement la réalité des affaires au Québec, la réalité gouvernementale, comment fonctionnent les institutions, comment fonctionnent les réseaux, parce que faire affaire au Québec, ce n'est pas juste transiger avec des autorités gouvernementales, c'est transiger avec des populations locales, c'est transiger avec des élus locaux. En autre mot, transiger avec des chialeux comme M. Champagne à côté. Avec des citoyens qui ont des choses à dire, puis j'aime pas pour le dire. Oui, oui, non, tout à fait. Je trouve ça plus fun que ça soit clair, mais évidemment, vous êtes attaché de très près au gaz de schiste. On va en reparler un petit peu plus tard. J'ai fait le choix de le dire sur la place publique, parce que j'ai fait le choix de m'exprimer et je voulais que les gens soient informés de l'intérêt réel que j'ai dans le dossier. Mais les anciens chefs du Parti québécois, visiblement, s'expriment. Et d'ailleurs, ça me surprend que vous soyez pas. Je pensais que c'était dans la constitution du PQ quand on était ancien chef du PQ. On critique le chef actuel. Mais il faut être premier ministre, je pense. Ah, c'est pas vrai. Je joue pas dans ce film-là, puis je l'ai jamais fait. Puis quand j'ai quitté le Parti québécois, j'ai fait le choix. Moi, le PQ, c'est ma famille. J'ai consacré à peu près 20 ans de ma vie. Quand tu commences à 23 président ans, du comité, ouais, puis même avant d'être élu, le président du comité des jeunes, je connais à peu près tout le monde qui est dans les institutions du Parti québécois. Ce sont des gens que j'aime beaucoup, que je respecte. Alors, c'est pas vrai que maintenant que je ne suis plus dans la famille, même si je suis sorti un peu abruptement de cette famille, que pour autant, je vais tous retourner le dos. Alors, j'ai énormément de respect pour leur travail, pour le travail des militants. J'ai énormément de respect pour Pauline Marois, qui est aujourd'hui première ministre, que j'ai défendu sur la place publique dans des moments plus difficiles quand Gilles Duceppe, pour ne pas le nommer, voulait sa job. Quand d'autres aussi sont exprimés sur la place publique, moi, j'ai ce devoir de loyauté, mais en même temps, un devoir de réserve. Vous ne me verrez pas dans les journaux critiquer ce que le gouvernement du PQ... Ceci étant, j'ai des opinions sur des dossiers sur lesquels je travaille. Mais justement, puis je les exprime. Ce conseil-là, vous ne pourriez pas le donner à M. Landry? J'ai justement suffisamment souffert des critiques de M. Landry pour ne pas les imposer aux autres. Ah, ça. Mais justement, vous pourriez peut-être en parler à M. Landry. Il en parle beaucoup. Mais là, on en pense quoi? Parce que là, il y a eu les élections, on en parlait. Vous avez suivi ça, j'imagine? Ben, pas mal, oui. Ouais. Qu'est-ce que Pauline a fait? Qu'est-ce que Pauline a fait de mieux que vous, selon vous? Bien des choses. Alors, Pauline, c'est une femme en politique qui a un ton différent des autres politiciens. Pauline, c'est pas le langage guerrier. C'est une femme qui est rassembleur. C'est une femme qui, venant elle-même, qui a plusieurs enfants, venant, je pense, elle aussi, d'une famille nombreuse, mais qui sait ce que c'est que de tenir du monde turbulent alentour d'une table. Donc, il y a cette habileté. C'est pas facile. Et je suis toujours habitué de l'entendre, Pauline, parler de l'importance de rassembler les Québécois. Parce que dans les faits, au-delà de nos opinions politiques, au-delà de ce qu'on peut penser d'un dossier ou de l'autre, on est 8 millions sur un territoire qui est quand même assez immense, qui fait 4 fois et demi celui du territoire de la France. Et vivre ensemble, on peut pas se permettre de peinturer un groupe de citoyens, les mettre dans le coin et leur dire, eux autres, on se parle pas. Le Québec est fort, non pas quand il est unanime. Moi, je ne crois pas dans l'unanimité où soudainement tout le monde va penser de la même façon, mais quand les gens sont au moins capables de se parler et sont capables d'occuper ce territoire-là de façon intelligente. Pauline a su. Et Pauline était capable de faire ça. Sur la question des accommodements raisonnables, moi, j'avais un point de vue qui était le mien. Elle a un point de vue un peu différent, qu'elle a su exprimer de façon différente que moi. À l'époque, vous avez été obligé de donner votre point de vue assez. Oui, puis je l'ai donné, parce que je suis assez. Parce que je suis aussi de ma génération. Puis, entre autres, sur toute la question des accommodements raisonnables, moi, je suis certainement plus libéral en termes de pensée que d'autres. Et puis, bon, des thèmes assez forts là, qui, à l'époque, m'ont coûté cher, mais le thème du crucifix à l'Assemblée nationale. Ils ont coûté cher. Je pense que c'est plus à la DQ que ça coûtait cher. Oui, ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher, ça m'a coûté cher à moi parce que je sais très bien que l'opinion québécoise était pas, me suivait pas sur ces questions-là. Cela dit, elle est très rapide sur une couple d'autres dossiers. Le gaz de schiste, par exemple, chez Gentil 2, elle est en train de vous enlever tous vos jobs. Non, je pense que c'est une façon drôle de poser la question. Ou réaliste aussi. Mais dans les faits, moi, je pense qu'il y a de la place encore pour revenir sur le fond des choses au débat. Et puis moi, c'est ça qui m'intéresse. La forme, tout ça, tu sais, discutez-vous. Faites-moi pas venir une émission pour discuter de la forme du débat. Ça m'intéresse pas, mais pas du tout sur le fond des choses. Bien, justement. Et je pense que c'est là où il faut s'entretenir. Et puis, sur le fond des choses, première des choses que j'apprends, c'est que la ministre dit il y a quelques jours que l'étude environnementale stratégique, que c'était fini, que ça allait prendre quasiment le bord des poubelles. Là, pour apprendre à une émission, qu'elle a une entrevue qu'elle donne à Bazo, que non, au contraire, que ce comité-là va finir son travail. Donc, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'entre les premiers jours, puis ce qui se passe aujourd'hui, il y a déjà des gens qui, tranquillement pas vite, sont en train de réajuster le tir. Probablement que la ministre souffre aussi d'un manque d'informations. Il y a un sondage qui est sorti lundi dernier qui disait que le gaz de schiste est la source d'énergie la plus mal aimée des Québécois, et que pratiquement les trois quarts des gens, quand même, se disent mal informés sur les gaz de schiste. Là, on a deux choses. Là, on a d'un côté M. Champagne, Qui s'est battu, je vous ai entendu sur plusieurs tribunes, sur évidemment l'exploration et le développement de cette industrie. Et de l'autre côté, quand vous avez fait votre apparition, surtout sur Twitter, en fait, on vous a vraiment vu arriver sur Twitter en défendant les gaz de schiste. Qui a raison là-dedans? C'est-tu mauvais pour la santé, les gaz de schiste? Moi, je pense que l'idée, c'est qu'il n'y a pas de... Il faut essayer d'être capable de se dire un certain nombre de choses. Un, c'est pas parce que tu es favorable aux gaz de schiste que tu es contre les énergies renouvelables. Tout à fait. Parlons des choses qui nous rassemblent, Dominique et moi, on va certainement dire qu'on est d'accord avec plus d'énergies renouvelables au Québec. On va dire, par exemple, cependant, pas à n'importe quel prix, parce qu'il y a des enjeux de subvention là-dedans, puis les consommateurs, il y a une capacité de payer des consommateurs. Mais, de façon générale, oui au développement des renouvelables. C'est sûr que, pour moi, ce qui me semble, le débat, l'avancement de la connaissance, la pratique américaine, nous en a révélé assez sur la manière dont le gaz de schiste est exploité pour qu'on puisse, dans le contexte québécois énergétique, où justement les énergies non renouvelables représentent un pourcentage important de notre bilan énergétique, il me semble que on ne doit pas sacrifier sur l'autel du développement économique ou de la création d'emplois l'exigence écologique à laquelle on doit faire face. Et tu sais, le sondage qui vient de sortir, il faut juste se demander par qui est commandité et dans l'intérêt de qui, avec l'intérêt de qui il sert ce sondage-là. Est-ce qu'il sert, est-ce qu'il est vraiment en train de servir l'intérêt public ou l'approfondissement de la connaissance scientifique, ou bien est-ce qu'il est en train de servir un lobby gazier qui a déterminé comme objectif de rendre acceptable ce qui, sur le plan de la connaissance, demeure encore inacceptable. C'est ça, mais cette démonstration-là n'est pas faite. Alors, moi, je reste sur les points communs qu'on a ensemble. Donc, je comprends que tu partages les trois points communs qu'on a ensemble. Maintenant, la question... Il n'y a pas qui est fort, par exemple. Je ne sais pas, qui me donne... Je t'en prie, réponds. et puis, je ne pense pas que tu vas dire que tu es contre ces trois choses-là. Non. Dernière question, comme ça, rapidement. Là. On ne vous a pas entendu parler de souveraineté, ça fait longtemps. Est-ce qu'on est encore souverain, André Boisclair? J'ai toujours été souverain, je serai toujours. Ah oui? Est-ce que je suis toujours... Mais est-ce que je suis souverain dans votre vie ou... Ben, tu me poses la question, est-ce que je suis souverain? Est-ce que le sentiment de souveraineté, est-ce que être souverain, c'est un désir? J'essaie de cultiver ma liberté, et j'essaie de la cultiver, entre autres, en exerçant mon droit de parole, entre autres dans le dossier des gaz de schiste, puis dans d'autres dossiers. Est-ce que vous êtes pour la souveraineté du Québec? Merci. Tout à fait. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais c'est absurde qu'on pose cette question-là. C'est juste à des péquistes qu'on pose cette question-là. Parce que quand on regarde François Legault, on sait jamais... Est-ce qu'on demande à Ed Broadbent, est-ce que tu es encore libéral? Est-ce qu'on encore une Est-ce qu'on demande à Jean Chrétien, est-ce que tu es encore libéral? Est-ce qu'on va demander à Bush, je ne sais pas... On a demandé à François Legault, est-ce que vous êtes encore souverainiste? Non, mais c'est ça la difficulté pour le peuple québécois de gérer son pouvoir avec des gens qui sont encore relativement en politique ou qui témoignent d'une certaine insécurité et puis qui s'imaginent qu'au fur et à mesure des événements, même parce que en politique, parce que tu vas avoir des difficultés, que tu changes, tu déchires ta carte, que tu changes ton chapeau de bord. Revenez donc en politique. C'est complètement absurde comme façon de dire. Alors revenez en politique. Je ferai peut-être de la politique un jour, oui, puis je l'ai déjà dit, mais plus tard, plus près de la retraite, parce que quand tu es un souverainiste, malgré toutes les apparences, et que tu quittes la politique, puis tu te retrouves ensuite de ça dans le secteur privé, parce que moi, je suis quelqu'un qui a le privilège d'avoir une vie relativement confortable, mais il faut que je travaille pour gagner ma vie comme tout le monde. Et puis, faire cette transition dans le secteur privé, elle est difficile. Et comme souverainiste, tu n'as pas des téléphones qui sonnent quand tu t'offres un job. Bien, on le sait, l'économie des souverainistes, ça marche pas. La job que j'ai en ce moment, moi, c'est moi qui l'ai créé. Oui. Et donc, refaire ça une deuxième fois, je le ferai quand je serai beaucoup plus près de la retraite que je suis en ce moment. Ben, merci beaucoup, André Boisclair. Vous restez avec nous, s'il vous plaît. Il y a Justin Trudeau qui vient d'annoncer en grande pompe sa candidature à la chefferie du Parti libéral. On l'a entendu. Ça a donné de très belles photos de famille. Justin, nous, on le trouve franchement cute et on l'aime beaucoup. Oui, c'est un beau minou. Oui, tout à fait. Alors, on lui a composé une petite chanson. On l'écoute. Justin. Il s'appelle Justin, c'est mon favori. Quand il pensait de la musique, le suivrait à Cathy Mavic. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs, je l'imagine en bedaine, quand il boxe dans une arène. Contre un douchebag indien. Oui, je sais, il s'aime sans façon. Je devrais me faire une raison. Essayer de l'oublier. Mais Justin, il s'appelle Justin. Je suis folle de lui. garçon pas comme les autres. Et moi je l'aime, c'est pas ma faute. Même si je sais qu'il ne gagnera jamais. Fred, notre prochain chroniqueur. Avec lui, la chasse au jambon est ouverte à l'année, pas seulement à l'automne, et heureusement, il n'y a pas de quota. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Olivier? Ben oui, je vous avais parlé la semaine dernière de la difficulté que j'avais eu à dire le mot difficulté, non. De la difficulté que j'avais eu à dénicher des extraits croustillants de la commission Occupation Double. Eh bien, vous l'avez peut-être remarqué, j'étais un petit peu nono. Fait qu'en deux matchs intra-équipe des Bulldogs d'Hamilton, je me suis réessayé à écouter OD et ce que j'ai découvert est fascinant. J'ai pris un Gatorade. C'est bon? Mais psychologiquement, c'est fucké parce qu'il est blanc, mais il goûte, mettons, je sais pas, au rouge, je sais pas. On dit qu'il est moins bon. Du Gatorade blanc. Psychologiquement, là, c'est fucké parce que ça veut dire que les jeunes de nos jours sont incapables de différencier une bouteille de Gatorade d'une pinte de lait. C'est sans doute qu'ils sont trop occupés à manifester plutôt qu'à étudier. Ce qui m'amène au tout nouveau film de Foufoune qui vient de prendre l'affiche sur le canal Indigo, Montre-moi ton carré rouge, un film inspiré du printemps érable que Dominique Moret de Radio X aimerait bien voir, mais ça dépend de qui joue dedans, tu sais. Bande annonce, on voit pas grand chose. Hey, là, puis là, la Fédération des femmes va sûrement sortir. Jeanne Renan, j'en vois pas dedans. Hein? C'est correct. Non. C'est vrai, non, elle fait pas partie de la distribution. C'est correct, ça. Non. C'est correct, ça. Non, mais bon. C'est vrai, là. C'est important, le casting, là. Tu sais, moi, je regarderais pas un film qui s'appelle Monte-moi ton gros micro gorgé de venin si Dominique Moret jouait dedans, là. Non, non. C'est ça. Mais c'est pas le seul sujet qui a retenu notre attention cette semaine. Il y a aussi la nouvelle campagne contre le texto au volant. Une pratique qui sera difficile à contrer puisque, selon une étude effectuée dans la tête de Jérôme Landry de Radio X, tout le monde texte au volant. Parce que la réalité, là, prends tous ceux qui ont un char et qui ont un téléphone cellulaire. Prends-les toutes. Je sais pas combien de monde ça représente, mais la majorité texte au volant. C'est bien une valeur, que ça vous plaise ou non, là. C'est... Jusqu'où ira-t-on? Que peut-on faire contre les lois de la nature? Pourquoi se battre contre cet instinct animal qui nous pousse à texter ou à manger un Big Mac en conduisant, là? Il y a mon trio McDo aussi, hein? Quand une publicité contre les trios McDo au volant? Parce que... Les belles filles dehors. Les belles filles dehors. Moi, c'est mon facteur de distraction numéro un, puis il n'y a jamais eu de campagne gouvernementale là-dessus, là, mais dès que l'été commence avec les camisoles puis les jupes, moi, je suis un conducteur très peu attentif. Non, mais une chance qu'il reste du monde pour défendre nos libertés individuelles, même si elles vont parfois à l'encontre des libertés individuelles de la belle fille en camisole qui reçoit une Honda Civic d'en face parce que le chauffeur est occupé à texter au volant. Autre grosse nouvelle cette semaine, le retour d'Omar Kader au Canada après 10 ans dans un tout-inclus de Guantanamo. Oui. Un sujet qui, selon Sylvain Bouchard du FM 93, a été traité avec beaucoup de complaisance par nos médias et particulièrement par Agnès Grouda de La Presse. Elle écrit pas qu'il a lancé une grenade tuant un père de famille américain de deux petites fillettes. Elle écrit « Il a été blessé en Afghanistan, puis il s'est retrouvé à prison. » Elle écrit pas « Il a été capturé alors que c'est un combattant d'une famille de Ben Laden. » C'est une déformation totale de la réalité. Le seul problème, c'est qu'en opposant à une déformation totale, une autre déformation totale, tout ce qui te reste à la fin, là, c'est le « boum, boum ». C'est tout. Merci Olivier. Boum! Très éclairant, Fred. Un autre chroniqueur. Notre analyste politique est sur le bord du burn-out avec deux courses à la direction et une commission d'enquête. Heureusement, son travail au off-post lui permet de souffler un peu. Voici Jean-Philippe Cipriani. Hey, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ah, ça va bien, vous? Oui, ça va très, très bien. J'espère que vous avez hâte de parler à Jean-Sébastien et au Dr Mayou dans quelques minutes. Hein? Beaucoup. Et qu'on a hâte de savoir ce qui se passe. Oui, mais oui. On n'est plus capable de deux courses libérales en même temps. Ça y fait une belle jambe. Mais oui. Oui, oui, oui. Deux courses libérales en même temps. Merci, Jean-Philippe. Allez-y. Oui, ben non, mais pourquoi ça vous déçoit qu'il y a deux courses libérales? Ben, tu sais, faut quand même être indulgent. Là, au PLQ, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas réfléchi. Là, fait que c'est quelque chose de nouveau pour eux. Il faut qu'ils prennent le temps. Et on sait, bon, on en a parlé tout à l'heure, Philippe Couillard, l'homme à la voix rassurante, la barbe rassurante, là, tu sais, comme vos cheveux, là. Merci. Ou ceux de Léo Bureau. On le connaît bien, celui qui a éliminé l'attente dans les urgences. Non, ça, c'est pas lui. Mais quand même, neurochirurgien, on le sait, hein, donc habitué à jouer dans le cerveau du monde. Alors, il y a une longueur d'avance, vraiment. On a parlé beaucoup du fait que c'était négocié une job pendant qu'il était encore ministre, mais on se souvient peut-être peu qu'il a été aussi conseiller du ministre de la Santé de l'Arabie Saoudite. C'est vrai? Oui, oui. Je pense que c'est lui qui supervisait les ablations de femmes dans les magazines. oui, à IKEA, on l'a vu, oui. Mais je me pose des questions quand même, parce qu'il fait partie aussi d'un organisme qui surveillait les espions canadiens, Arabie Saoudite, Sam Ahmad qui va co-présider sa campagne, il est peut-être proche d'Amir Kadir. Moi, je pense que l'axe islamiste est en train de prendre ses... avec Philippe Couillard. Selon mes sources, toujours digne de foi. Là. Ouais. Au Huffington Post, on le sent aussi. Mais il y a quand même des adversaires de taille, Philippe Couillard. Ben, Pierre Moreau, d'abord. Ben oui, celui de l'ancien ministre des Transports. Ouais. Celui qui se présente comme le candidat de la jeunesse. Vous avez vu, il a mis plein de jeunes autour de lui. Là, une couple d'ados comme pot de fleurs, là, c'est toujours bien. Ouais. Il dit qu'il faut ramener les jeunes au PLQ. Il trouve qu'il a un peu perdu le contact avec la jeunesse. Je ne sais pas où est-ce qu'il mais il se présente donc candidat de la jeunesse, 55 ans. Il y a un an de plus que Jean Charest, qui était très proche de la jeunesse. Lui aussi. Un peu plus sportif. Mais vous savez, la jeunesse, c'est un concept élastique. Là. Il y en a qui font des heures de jeunesse, c'est à la mi-trentaine, hein, M. Boisclair. Mais pour s'opposer au candidat de la jeunesse, il y a aussi le candidat des résidents Soleil. Pardon? Raymond Bachand, oui. Vous ne trouvez pas que c'est le même sourire engageant qu'a dit sa voix? Non? Non, mais peut-être. Enfin, lui, il veut sauver l'économie. Il dit que le gouvernement marois, c'est une catastrophe pour l'économie. Les riches de Gatineau vont aller s'acheter une maison à Ottawa. Ouais. Pour vrai? Ouais, ils vont passer d'une maison de 200 000 à Gatineau à 600 000 à Ottawa pour sauver 1 000 piastres d'impôts. Ça, c'est... Il adhère un peu au point de vue du monde des affaires et des chambres de commerce qui disent que les grosses entreprises québécoises veulent quitter le Québec. Bon, ça, c'est cette semaine. La semaine prochaine, c'est les camions de sécurité aussi qui vont faire la file à la frontière ontarienne. Dans deux semaines, les vieux, je pense, vont perdre leur chèque de pension. En tout cas, il faut le comprendre, le monde des affaires, parce que ça fait 9 ans qu'il était au pouvoir. Fait qu'il faut qu'il s'ajuste un peu à être dans l'opposition. Je comprends. Puis la course au fédéral, vous en pensez quoi de ça? Justin. Avec son beau kit gris là, sur fond orange NPD. Oui. Ouais. c'est vrai qu'il avait le fond orange. Il a délaissé son habit de trappeur quand même de ma cabane au Canada. Puis, mais il a annoncé, l'avez entendu, il a annoncé that he would run as a candidat pour le leadership of the Parti libéral du Canada. Je pense que le plus tannant, c'était surtout Sophie Grégoire qui criait « C'est beau, Minou, bravo, Minou » dans le fond de la salle pendant tout bout de champ. Là. Ouais, mais vous avez vu son vidéo quand même, il veut refaire l'unité du parti, incluant le caméraman de Stéphane Dion, visiblement. Donc, mais est-ce qu'il va y avoir de l'opposition? C'est ça qu'on se demande, parce que là, Dominique Leblanc, que tout le monde connaît, s'est retiré. Et Marc Garneau, l'ancien astronaute, lui, il songe. Ça, c'est un homme dynamique. Hein? C'est un ancien astronaute. Il est comme dans l'espace encore, dans sa tête. Mais Denis Coderre là-dedans, lui? Denis. Parce que là, on attend. Oui, mais Denis a passé la semaine à écouter la télé. Il se tapait ses cuisses. Il écoutait un show à RDI là, toute la semaine. Commission Charbonneau. Oui, il a bien aimé ça. C'est le genre novembre, on va voir. Merci beaucoup, Jean-Philippe Cipriani. Énormément merci de votre présence. C'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret de Plus on écrit, plus on lit. Et tout de suite après, c'est Bande à part animé par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe. Fred Savard, Olivier Niquette, Marc-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon, évidemment, le brumeux Philippe Roberge à la console. On remercie François Lemay, Barbara Judith Caron pour nos capsules. Un immense merci à nos invités de ce soir. Dominique Champagne, on vous attend en politique bientôt. Et on vous attend et on va vous voir, évidemment, Tout ça m'assassine à la Place des Arts. C'est jusqu'au 13 octobre. Jusqu'au 20 octobre. Il y a encore de la place, au moins? À ne pas manquer. Hein. Vraiment, là, je suis extrêmement fier. Mais est-ce qu'il y a encore de la place? Il y a encore de la place. Les acteurs sont fabuleux. C'est une petite bombe qui a encore détonné hier soir. Alors, on ne manque pas le show. Parce que la semaine passée, on avait Fred Pellerin nous inviter à son show, puis tout est plein. Non, mais Fred Pellerin, Fred Pellerin. André Boisclair, on vous suit, évidemment, dans votre aventure de gaz de schiste. Et on vous espère en politique très bientôt. Quant à nous, vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com/lasoirée. Vous venez nous voir la semaine prochaine. On enregistre les jeudis à 17h. Nos invités, Pierre Moreau, justement, et Jean-René Dufort. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune.